Le crime du Vatican, chapitre 6, le prophète. Les faits exposés dans ce chapitre, je les ai appris au Vatican, étant encore prêtre jésuite sous serment. Le cardinal jésuite Augustin Béat nous expliquait à quel point les catholiques désiraient Jérusalem vers la fin du IIIe siècle, en raison de son importance quant à la religion et de sa position stratégique. La Sainte Ville passait pour un trésor inestimable. Il fallait donc développer un plan pour transformer Jérusalem en une ville catholique romaine. Une grande source de possibilités à utiliser dans la réalisation de ce plan se trouvait chez les descendants d'Ismaël. C'est ainsi que les Arabes devinrent les victimes de l'un des plans les plus intelligents que les puissances des ténèbres aient jamais imaginé. Permettez-moi de vous raconter succinctement l'histoire de l'islam. À Alger, en Afrique du Nord, une mère pieuse catholique avait mis au monde un fils en 357, en 354 après Jésus-Christ. On lui donna le nom d'Augustin. Augustin était un vrai génie pour devenir à la fin un saint dans la religion catholique. Il était l'évêque de l'Afrique romaine. Ce fidèle guide catholique fut appelé Père de l'Église. Les œuvres connues d'Augustin sont La Cité de Dieu et les Confessions. Ces livres inconnus du monde arabe ont exercé une grande influence sur leur vie. Augustin était occupé à gagner les Arabes pour le catholicisme romain, y compris des tribus entières. Cependant, bien des Arabes sentaient une forte répulsion par rapport à la catholicité, ne voulant pas accepter ce système. Au fil du temps, on envoya des espions chez des nomades éloignés qui rejetaient le catholicisme, pour répandre le bruit qu'un jour, un grand guide paraîtrait, ayant la mission de réunir tous les Arabes. 200 ans après Augustin, vers 570 après Jésus-Christ, Mahomet naquit à la Mecque, en Arabie Saoudite. Cet homme devait changer le cours de l'histoire mondiale. Mahomet lui-même se donnait le nom de messager de Dieu. Il fonda une grande religion, l'islam. Mahomet était un guide prodigieux. Tout d'abord, je voudrais montrer comment le monde d'aujourd'hui voit la religion islamique. Ensuite, je vais partager avec vous ce que j'ai appris au Vatican, comment en réalité l'islam vit le jour. Vous en serez choqués. Ce que je vais vous dire ressemble à l'histoire la plus incroyable d'un complot dont vous n'avez jamais entendu parler. Voici comment le monde voit la grande religion de l'islam, fondée par Mahomet, ayant presque 1 milliard d'adeptes. Leur lieu le plus saint, c'est la Mecque, en Arabie Saoudite. C'est aussi la ville natale de leur prophète Mahomet. L'islam affirme qu'Abraham et son fils Ismaël ont construit une maison de Dieu près de la source Zamzam qui a sauvé la vie à Ismaël et à sa mère. L'original de la maison de Dieu était petit si vous le comparez à la nouvelle construction en pierre de 15 mètres de haut qui l'a remplacée. C'est la Kaaba, la maison de Dieu. Les fidèles musulmans dans le monde entier prient 5 fois par jour dans la direction de ce lieu saint, s'adressant directement à leur Dieu Allah. À la Mecque, les fidèles musulmans entourent la Kaaba en versant des larmes, demandant des bénédictions, exprimant le désir ardent de jouir de la présence d'Allah au paradis. Les trois religions principales ont quelque chose de commun. Chacune a un lieu saint d'où elle attend les instructions divines. Les catholiques romains considèrent le Vatican comme un lieu saint. Les juifs pensent que le mur des Lamentations est un lieu saint. Les musulmans voient la Mecque comme un lieu saint. Chaque groupe croit recevoir, en visitant ces lieux saints, des bénédictions pour toute la vie. Au début, les visiteurs apportaient des dons dans la maison de Dieu à la Mecque, et les gardiens de la Kaaba étaient aimables envers tous ceux qui y venaient. Certains apportaient leurs idoles, et pour ne pas froisser ces gens, les gardiens posaient ces idoles dans le sanctuaire. Les Juifs considéraient la Kaaba comme une demeure lointaine de Dieu, tant qu'elle ne fut pas profanée par les idoles. Finalement, on n'eut plus accès à la source Zamzam parce que la tribu gardant les lieux saints était devenue hostile. Cette tribu était du Yémen et s'appelait Jouroum. Les Jouroumites avaient aussi le contrôle sur la Mecque. Finalement, les gens s'opposèrent aux Jouroumites en voulant les expulser. En partant, les Jouroumites jetèrent une partie du trésor de la Kaaba, les dons des pèlerins qui s'y rassemblaient pendant des années, dans la source de Zamzam. Ils l'ont rempli de sable et la source a disparu. La tribu des Kouzaïtes l'a prise en charge en permettant que le dieu moabite Oubal soit posé dans la Kaaba et ainsi l'idolâtrie continua. Les Kouzaïtes furent remplacés par les Kouarachites, une puissante tribu qui descendait d'Ismaël. C'est alors qu'apparut à la Mecque un homme respecté chez les Kouarachites, bien qu'il ait été de la tribu d'Hachim. Son nom était Abd al-Muttalib, ou bien Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète Mohammed. Al-Muttalib eut des visions par lesquelles il fut instruit de l'endroit où il pourrait trouver la source. L'esprit lui disait de chercher du sang, de l'excrément, une fourmilière et des oiseaux qui picorent. Il trouva cette trace entre deux idoles où les Kouarachites offraient leurs sacrifices. Il se mit à creuser et finit par trouver la source et son trésor, devenant ainsi le héros de la Mecque. En lui promettant d'en offrir un dans la Kaaba s'il lui bénissait avec 10 fils. Quelques années plus tard, ses prières furent exaucées. Son benjamin, un beau jeune homme appelé Abdallah, était son préféré. Et le temps était venu pour le père de tenir sa promesse. Un de ses fils devait mourir. Dans la Kaaba, devant le dieu Moabite Oubal, ceux qui étaient présents participaient aux cérémonies occultes. Le sort tomba sur son fils le plus jeune. La mère d'Abdallah, entre autres, s'y opposa. Ses autres fils implorèrent le père de laisser leur frère en vie. Le père finit par aller voir une divineresse pour lui demander conseil. Après avoir consulté son esprit, elle dit à Abd al-Muttalib de jeter encore une fois le sort pour voir si les dieux accepteraient un sacrifice animal au lieu de son fils. Finalement, son chameau fut tué et Abdallah fut épargné. Plus tard, il devint le père du prophète Mahomet. Ce sont les Arabes catholiques qui ont développé le concept de l'avènement d'un prophète arabe, juste comme les Juifs attendaient le Messie. Qui serait capable, si ce n'est le prophète, de détourner les Arabes de l'adoration des faux dieux? Dans la Kaaba, il y avait même une icône de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus. Abdallah se maria avec Amina en 569. Bientôt, il fut obligé de partir avec une caravane à cause de son travail. En voyage, il tomba malade et mourut. Amina portait son fils. Conformément à la tradition, elle entendit une voix qui lui disait « Tu portes dans tes entrailles le maître de ce peuple. » Après sa naissance, dit « Je le mets sous la protection de Dieu et donne-lui le nom de Mahomet. » Quand l'enfant fut né, son grand-père, Abd al-Muttalib, apporta le petit Mahomet dans la Kaaba afin de dire les prières et les louanges pour le don reçu. Les fils des grandes familles arabes, dans les villes telles que la Mecque, étaient envoyés dans le désert pour passer un certain temps de leur enfance avec les tribus des Bédouins, où ils étaient bien entraînés, évitant en même temps la mort causée par les épidémies dans les villes. La famille pauvre qui avait pris Mahomet pour s'occuper de lui fut bénie de plusieurs façons. D'après l'islam, Mahomet, quand il était garçon, a été pris par deux hommes vêtus de blanc. Ils l'ont ensuite couché au sol sur le dos Ils lui ont ouvert le torse et ils ont sorti de son cœur un caillot noir. Puis, ils ont lavé son cœur avec de la neige. Il n'y avait aucune entaille sur sa poitrine. Mais sur son dos, on pouvait voir un petit signe dès sa naissance. Bien des années plus tard, il fut en état de décrire plus en détail ce prétendu événement. C'est alors que Mahomet a donné son incroyable témoignage, son témoignage incroyable. Satan touche chaque fils d'Adam le jour où sa mère le met au monde. Seuls Marie et son fils ne furent pas touchés par lui. Pourquoi Mahomet favorisait-il l'enseignement catholique? N'est-ce pas étrange? La mère de Mahomet, Amina, mourut quand il avait 6 ans. Comme il resta orphelin, son grand-père Abdel Moutalib prit soin de lui. Mais 2 ans plus tard, le grand-père mourut aussi. Ce fut la deuxième grande tristesse de sa vie. À l'âge de 9 ans, Mahomet et son oncle voyageaient avec une caravane. Un prêtre catholique, voyant le garçon, se mit à l'interroger. Puis il demanda à voir le signe sur son dos. Il s'écria, c'est la marque d'un prophète. Et il en informa l'oncle de Mahomet. Ramène le fils de ton frère dans son pays et garde-le des Juifs pour qu'il puisse servir son Dieu. S'ils le voient et apprennent ce que je sais sur lui, ils vont combiner sa perte. Le fils de ton frère est destiné à de grandes œuvres. C'est ainsi que ce moine catholique prépara le chemin pour les persécutions futures des Juifs par les musulmans. Mahomet avait 25 ans quand il se maria avec une riche veuve, Khadija, qui avait alors environ 40 ans. Mahomet et Khadija engendrèrent 2 fils morts en bas âge et 4 filles. La plus connue, c'était Fatima, mariée à l'héritier de Mahomet, son cousin Ali. Vers l'an 610, Mahomet affirma avoir eu une vision de la part du Dieu Allah sous forme d'un être magnifique nommé Ange Gabriel et qui lui dit, à ce qu'on prétend, tu es le prophète d'Allah. C'est ainsi que Mahomet entama sa carrière de prophète. Par la suite, il continua à recevoir des messages, affirmant les obtenir d'Allah jusqu'à sa mort. Aidé par le cousin de son épouse, un catholique dont le nom était Warakwa, le prophète Mahomet était à même de comprendre ces messages. Warakwa disait, Mahomet est vraiment le prophète de ce peuple. Quelques-unes de ses visions sont décrites dans le Coran. En 650, alors que d'autres écrits de Mahomet n'ont jamais été publiés. La 5e année de la mission de Mahomet commencèrent les persécutions de ses adeptes, car ceux-ci refusaient de vénérer les idoles de la Kaaba. Mahomet conseilla à quelques-uns de se retirer en Éthiopie. Négus, le roi catholique d'Éthiopie, les accepta en raison des points de vue de Mahomet sur la Vierge Marie, lesquels étaient très proches des doctrines de l'Église catholique romaine. Mahomet affirma avoir été réveillé une nuit alors qu'il dormait, tourné vers la Kaaba, par l'ange Gabriel, qui l'amena jusqu'à un animal ailé du paradis, appelé Bourak. Tous les deux, en chevauchant, volèrent jusqu'aux ruines du temple hébreu à Jérusalem. Je vais vous montrer une image de ce qu'est le bourak d'après la tradition islamique. Et beaucoup d'entre vous vont se retrouver. Voilà le bourak, cet animal ailé. Et quand on y regarde bien, pour ceux qui ont une culture générale un peu, et vous allez reconnaître cet animal, qui est appelé dans d'autres mythologies Pégase ou Pegasus. Donc c'est un animal, une espèce de cheval ailé qu'on retrouve dans la plupart des mythologies, mythologie romaine, mythologie grecque, mythologie mésopotamienne. Et donc c'est quand même étrange que Mahomet ait été pris par cet animal qui est un animal mythologique qu'on retrouve aussi dans la religion des Védas hindous. Voilà, voici le bourak. Mahomet raconta que dans les lieux Ok, Mahomet affirma avoir été. Ok, ouais. Mahomet raconta que dans les lieux du temple démoli, il fut rejoint par les prophètes Abraham, Moïse, Jésus et d'autres qui priaient. Après la prière, il est monté sur le dos du cheval Bourak, partant pour le paradis où il a de nouveau rencontré les prophètes et finalement Dieu même. Au dire de Mahomet, il a reçu la foi de l'islam et les instructions relatives aux cinq prières journalières directement de Dieu. Cette vision eut un grand impact sur l'histoire du monde. Je reviendrai tout à l'heure sur le sujet des cinq prières qui est par coïncidence similaire à une ancienne religion païenne mésopotamienne également. Par suite des persécutions, Mahomet se réfugia à Médine en 622, environ à 300 km au nord de la Mecque, d'où il menait des attaques sur les caravanes venant de la Mecque. Il remporta la victoire dans beaucoup de combats. Ses opposants de Médine furent tués. À Médine, Mahomet montra son hostilité envers les Juifs en détruisant leurs colonies. Il épousa aussi d'autres femmes pour des raisons politiques afin de créer des liens plus intimes avec leurs proches et raffermir sa puissance. La Mecque envoya une armée de 10 000 hommes pour saisir Mahomet, mais sans succès. Il n'arrivait pas à percer sa défense. Après une nuit de vent orageux et de pluie, la grande armée recula et ce fut une vraie débâcle. Mahomet n'avait pas l'intention de dévaster la Mecque, mais de lui faire accepter l'islam. L'année 630, Mahomet, à la tête de ses 10 000 hommes, conquit la Mecque et la Kaaba fut purifiée d'idoles. Mahomet voulut créer sa propre religion. Il avait besoin d'aide pour sa tribu puissante. En établissant Allah, Dieu de la lune, qu'il vénérait en tant que Dieu unique, il se proclama le prophète d'Allah. Je vais le souligner ici. Mahomet voulut créer sa propre religion. Il avait besoin d'aide pour sa tribu puissante. En établissant Allah, Dieu de la lune, qu'il vénérait en tant que Dieu unique, il se proclama le prophète d'Allah. Je vais faire une parenthèse pour montrer en fait ce qu'est le Dieu lunaire. Parce que la question que je me suis souvent posée, sans affirmer ou infirmer quoi que ce soit, je me contente de raisonner et je vous invite à faire la même, à faire raisonner tout comme moi. La tradition islamique dit que Mahomet a reçu sa vision sur le mont Hira vers 610. Or, il avait environ 40 ans. Or, 40 ans à une telle époque, et même jusqu'à aujourd'hui, c'est quasiment toute une vie en fait. Sinon, la moitié d'une vie, mais à cette époque, encore 40 ans, c'était quasiment toute une vie. Donc, si c'est à 40 ans qu'il est venu connaître Allah, selon la tradition islamique, de 0 à 39 ans, quelle divinité adorait-il? Il est quand même bizarre qu'il y ait du silence à ce sujet. Parce que c'est une question que je me pose et que je vous invite à vous poser. Vu que c'était des tribus païennes, la plupart des tribus arabes, et elles adoraient des divinités diverses de Mésopotamie et d'Arabie. Quel dieu Mahomet adorait-il avant, soi-disant, Allah? Or, il s'avère que la tribu Quarachite à laquelle il appartient avait pour principale divinité le dieu Lune. Alors, je profite de cette parenthèse aussi pour voir à quoi ressemble le dieu Lune. Et vous allez vous-même vous retrouver avec les images parce que je préfère laisser les images parler d'elles-mêmes. Donc, nous sommes là pour un point. Voilà quelques images sur Google du dieu Lune qui était appelé en Mésopotamie Sin. En d'autres lieux, il était appelé La. En Égypte, il était appelé La. Je vais vous montrer les images. Égyptien, avec le croissant de lune et la sphère représentant soit l'étoile ou le soleil. Et vous allez voir ce symbole sur toutes les statues du dieu lune. Sur la statue du dieu Sin ici, on voit le même symbole, étoile, croissant de lune, soleil. Si cette autre image, c'est la même image, on voit ici En Mésopotamie, à Babylone, c'était toujours le même symbole, la lune au milieu, le croissant de lune, l'étoile, le soleil. Sur toutes les images, selon les différentes civilisations, Mésopotamie, chez les Sumériens, c'est le même symbole à chaque fois. Chez les Babyloniens, chez les Assyriens, chez les Anunnaki, c'est toujours le même symbole, croissant de lune, étoile et soleil. Alors voici déjà le symbole du dieu lune et on va voir si ces symboles ne nous sont pas familiers. Alors, lorsqu'on arrive ici dans les lieux de culte de nos, je vais les appeler comme ça, frères, on voit ce symbole du dieu lune, toujours jusqu'à présent, sur les mosquées, sur les lieux de prière. Et la question que je me pose et que je me suis souvent posée et que j'invite beaucoup d'entre vous à se poser, vous voyez ici, la plupart des mosquées, je ne vous informe de rien, la plupart des mosquées, des lieux de prière ont ce symbole de croissant de lune et d'étoiles, symbole pourtant de divinité païenne, le dieu lune, Sin, appelé aussi Kuduru et différents noms qu'il portait dans les différentes mythologies, dans les différentes civilisations passées, il s'appelle aussi Nana, ainsi de suite. Et dans la vidéo précédente, on a vu que toutes les divinités qui sont relatives à la lune et au soleil venaient de Sémiramis et de Nimrod et de leur fils Tammuz. C'est de ces trois-là qu'est venue toute l'idolâtrie de la terre. Leurs noms n'ont fait que changer au cours de l'époque, de l'histoire, des régions, mais c'est toujours Sémiramis et Tammuz. Tammuz représentant la réincarnation du soleil ou l'étoile, Sémiramis qui s'était déifié en lune et Baal qui avait été déifié en soleil. Et donc ici, sur les photos du dieu Sin ou dieu lunaire, on voit toujours ce symbole-là qui représente le symbole de Sémiramis et de Tammuz. Il est quand même étrange que sur les mosquées de l'islam, religion qui dit adorer le vrai Dieu, on retrouve toujours ce symbole du Dieu lune. Et ce n'est pas que sur les lieux de prière, vous verrez étrangement que même sur les drapeaux de la plupart des pays maghrébins, on voit toujours ce symbole du Dieu lune. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, je veux parler dans les détails parce qu'on pourrait aussi parler du calendrier islamique qu'on appelle Hégire. Et bizarrement, un calendrier lunaire, des fêtes ou cérémonies de prière telles que le Ramadan, les consorts qui sont toujours fixés par rapport à la lune. Bon, bref, vous allez vous-même, en réfléchissant juste un tout petit peu, voir qu'il y a toujours un culte lié à la lune dans les pratiques de l'islam actuel. Bref, donc à vous, je vous laisse face à votre réflexion à vous-même. On continue. L'histoire témoigne qu'avant l'islam, les Sébinci en Arabie adoraient le dieu de la lune, qui était marié à la déesse du soleil. Ils avaient engendré trois filles appelées Alat, Al-Uzza et Manat. Devenant des idoles, celles-ci furent vénérées comme filles d'Allah. Et en fait, Alat, celle-ci, était aussi souvent considérée comme la déesse lune ou déesse de la fécondité. Et voici cette divinité égyptienne qui s'appelle aussi, comme par hasard, La, Lah, était aussi considérée comme la divinité de la fécondité et de la prospérité. Donc, allez-y voir les liens, vous pouvez faire les recherches en profondeur sur ce point. Mais moi, je ne crois pas aux coïncidences. Surtout en matière de religion, parce que, comme Salomon l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous la terre, les choses ne font que se répéter. Donc, le croissant de lune est partout connu comme le symbole de l'islam, comme je l'ai déjà montré dans les photos. En 1950, la statue du dieu de la lune a été déterrée dans la Massor, en Palestine. Ils ont mis Massor, mais c'est Massor, 2 SORE. Dans la Massor, en Palestine. La figure ci-après représente Allah assis sur le trône. Sur sa poitrine se trouve un croissant de lune. Donc, dans la version numérique, on ne voit pas la photo malheureusement, mais en fait, c'est cette statue-ci. Dans la version en papier, on voit la photo. Il s'agit de cette statue-ci. Le dieu Allah, le dieu lunaire, assis, les pieds croisés avec le croissant de lune sur sa poitrine. C'est cette divinité-ci. Vous pouvez même le voir ici dans le commentaire. C'est écrit The Moon God from All Four Sides. Note the crescent moon carved on his chest. Donc, ici, on dit quoi? Remarquez le croissant de lune sur sa poitrine. Voilà, c'était la statue du dieu lune en Arabie. Et surtout en Palestine, c'est ce qui a été découvert en Palestine, dans la Massorah. Alors, on nous dit ici, sur sa poitrine se trouve un croissant de lune, c'est ce qu'on a vu sur la photo. Donc, Allah n'est qu'une idole, un faux dieu. L'Église romaine souhaitait désespérément Jérusalem à cause de son importance du point de vue religieux, mais cette tentative de conquérir cette ville était bloquée par les Juifs. Un autre problème était l'existence des chrétiens religieux vraiment bibliques en Afrique du Nord. Le catholicisme romain étendait son pouvoir, ne tolérait aucune opposition. L'Église romaine devait en quelque sorte créer les armes pour éliminer les Juifs, aussi bien que les chrétiens bibliques, qui refusaient d'accepter le catholicisme romain. En considérant l'Afrique du Nord, l'Église romaine voyait une multitude d'Arabes comme une puissance qui pourrait s'opposer, qui pourrait s'occuper de cette sale besogne. De nombreux Arabes étaient devenus catholiques et pouvaient être utilisés pour le transfert d'informations à leurs dirigeants à Rome. Les autres pourraient servir de cinquième colonne, c'est-à-dire le réseau secret d'espions, qui soutiendrait le plan romain de contrôler la grande multitude arabe s'opposant au catholicisme. Quand Saint Augustin vivait, il comprenait très bien ce qui se passait. Il était un homme puissant et influent avec sa petite armée de disciples. Ces monastères servaient de bases dans lesquelles il retrouvait et détruisait les manuscrits bibliques que possédaient les chrétiens qui fondaient leur foi sur la Bible. Augustin a été proclamé saint pour son service dévoué à la Mère Église. Et vous verrez dans la liste des saints de l'Église catholique que tous ceux qui ont fait du mal, qui ont versé du sang, qui ont concouru à l'avancée de l'Église catholique à travers des choses insoutenables, abominables, atroces, ont été canonisés saints, tels que Ignace de Loyola, qui était un magicien noir et blanc, c'est-à-dire qui pratiquait de la magie noire et blanche, qui a mis en place la société des Jésuites, qui a créé la société Illuminati, qui a infiltré les francs-maçons et leurs différentes branches, a été aussi canonisé saint. Donc, allez-y comprendre. Je ne veux même pas parler de Mère Teresa, qui est adulée, mais malheureusement, les gens ne connaissent pas son histoire. Il désirait organiser une puissante armée qui finalement prendrait Jérusalem pour le pape. Dans les réunions du Vatican, le cardinal Augustin Béat nous a raconté l'histoire suivante. Alors, on a lu la version traditionnelle islamique de ce qu'est l'islam et de qui était Mahomet. Maintenant, on va rentrer dans la version que ce jésuite-là avait appris de la bouche de leur cardinal historien qu'on appelait Augustin Béat. Maintenant, on entre dans la version catholique des faits. Une riche femme arabe fidèle, adepte du pape, a joué un grand rôle dans ce drame arabe. C'est la veuve Khadija. Elle avait donné toutes ses possessions à la mère Église et elle était placée dans un monastère de femmes. Ça, déjà, c'est un point qu'on ne nous explique pas dans la tradition islamique. Il n'est pas sûr que Khadija était catholique. On l'a toujours fait passer Khadija comme étant une femme, soit juive, soit arabe, mais jamais catholique. Donc c'est déjà un fait, une information qu'on ignorait. Là-bas, elle eut une étrange mission pour laquelle elle fut envoyée dans le monde. Sa tâche consistait à retrouver un jeune guide brillant qui, tout en servant le but de l'Église romaine, établirait une nouvelle religion et deviendrait le Messie pour les descendants d'Ismaël. Bientôt, elle trouva le jeune Mahomet et l'épousa. Khadija avait alors environ 40 ans, alors que Mahomet était dans les 25 ans. Khadija avait un cousin du nom de Warakwa qui, comme elle, était un très fidèle catholique. Il avait une grande emprise sur Mahomet, comme conseiller de Mahomet, Rome le repéra. Rome retrouva cet homme. L'argent n'était pas un problème. Des maîtres furent envoyés à Mahomet pour l'entraîner d'une manière intense. Mahomet accepta les écrits du saint Augustin sous l'influence de Warakwa et il devint le partisan de ses idées. Cela le prépara pour la grande vocation. Par l'intermédiaire de l'Église romaine, les démons fermèrent la porte aux Arabes en les privant durant des siècles de pouvoir entendre la vérité de la Bible. Selon les ordres de Rome, les Arabes catholiques en Afrique du Nord se mirent à répandre la rumeur sur un grand prophète qui aurait été choisi par Dieu. Pendant la formation de Mahomet, on lui suggéra que les Juifs étaient ses ennemis. De même, on lui disait que les catholiques étaient les seuls vrais chrétiens, tandis que les autres qui se disaient chrétiens n'étaient que des trompeurs et enfants du diable destinés à la destruction. Bien des musulmans, même aujourd'hui, croient cet enseignement démoniaque. Lorsque Mahomet a commencé à recevoir des visions dans une grotte dans la montagne de Hira, non loin de la Mecque, Warakwa, cousin catholique de la femme de Mahomet, se mêla largement à l'interprétation des visions données à Mahomet. Enfin, il s'en était suivi le livre saint de l'islam appelé le Coran, qui contient la plupart des visions de Mahomet. Il est intéressant de noter que, dans une première phase, les musulmans avaient la protection des rois catholiques parce que les révélations de Mahomet étaient liées à la Vierge Marie. Mais les œuvres de Mahomet n'étaient pas encore publiées. À présent, elles sont dans les mains de saints hommes d'une haute dignité dans la foi de l'islam, les ayatollahs. En nous racontant tout cela au Vatican, le cardinal Beya dit: ces écrits sont gardés parce qu'ils contiennent des informations établissant le lien entre le Vatican et l'islam. Les deux parties ont tant d'informations l'un sur l'autre que, si cela venait à être découvert, ce serait un grand scandale et une vraie catastrophe pour les deux religions. Au moment de la mort de Mahomet, il y eut une véritable explosion de la religion islamique. Les tribus nomades réunirent leurs forces au nom d'Allah et de leur prophète Mahomet. Dans leur saint livre, le Coran, Jésus passe pour un prophète. Si le pape est son représentant sur la terre, alors il doit être aussi un prophète de Dieu, ce qui a amené les adeptes de l'islam à vénérer le pape comme un saint homme de plus. Le pape progressait rapidement. Il donna aux généraux arabes certains documents leur permettant d'attaquer et de conquérir les nations de l'Afrique du Nord. Ici, ce n'est pas dit, mais j'ouvre la parenthèse, ces documents, c'était des bulles papales. Chaque conquête qui était faite, avant chaque conquête, les musulmans devaient recevoir des bulles papales, c'est-à-dire des permis d'attaquer, des permis de conquérir, venant du pape, signés par le pape lui-même. Okay. Le Vatican a assuré le financement de ces grandes armées islamiques en échange de ces trois services. Premier, élimination des juifs et des chrétiens bibliques qu'ils appelaient infidèles. Deux, protection des moines d'Augustin et des catholiques romains. Trois, conquête de Jérusalem pour le pape et l'Église romaine. Et effectivement, pendant toutes les croisades, il est quand même étrange de constater que les musulmans ou les arabes musulmans convertis à l'islam ne s'en prenaient jamais aux catholiques. Bizarrement. Et vous pouvez fouiller dans l'histoire, vous ne verrez pas de traces où les arabes musulmans aient massacré des catholiques en Europe ou en Afrique du Nord. Il n'y a pas de traces. Étrangement. La campagne d'Afrique du Nord commença. Avec le temps, la force de l'islam devint de plus en plus grande. Les juifs et les chrétiens bibliques furent tués et Jérusalem tomba aux mains des musulmans. Il est intéressant de noter que, durant cette période, les catholiques ne furent jamais attaqués, comme je viens de dire, pas plus que leur sanctuaire, effectivement, lui-même il le confirme ici. Le jour du paiement arriva. Le pape demanda Jérusalem. Jusqu'alors, les généraux arabes triomphaient partout où ils allaient. Ils croyaient que rien ne pourrait leur barrer la route. À l'instigation de Warakwa, Mahomet a écrit un grand mensonge dans le Coran, qu'Abraham voulait offrir Ismaël en sacrifice. La Bible est claire que c'est Isaac qui devait être sacrifié, tandis que Mahomet a mis le nom d'Ismaël au lieu de celui d'Isaac. À cause de cela et des visions de Mahomet, les fidèles musulmans ont construit une mosquée, le Dôme du Rocher, en l'honneur d'Ismaël à l'endroit de l'ancien temple juif détruit en 70 après Jésus-Christ, faisant ainsi de ce dernier le second lieu saint de la religion islamique. Comment céder alors un tel sanctuaire au pape? Le pape comprit qu'il avait perdu le contrôle de la situation au moment où les musulmans appelaient à sa sainteté l'infidèle. En se croyant prédestiné à conquérir le monde pour Allah, les généraux musulmans commencèrent à regarder dans la direction de l'Europe. Les ambassadeurs islamiques vinrent voir sa sainteté à Rome pour obtenir la permission d'envahir des pays européens, c'est-à-dire pour obtenir la permission d'avoir des bulles papales. Sans ces bulles, aucune attaque ne se faisait. L'Église de Rome s'en trouva offensée. La guerre était inévitable. Rome estimait que le contrôle sur le monde constituait le droit fondamental du pape. Cette Église ne pouvait pas imaginer partager le pouvoir avec qui que ce soit. Le pape organisa une armée de croisés en vue d'empêcher les descendants d'Ismaël de conquérir l'Europe catholique. La guerre continua durant des siècles, et cette guerre, on a appelé ça les croisades. Et ce n'était pas une guerre musulman-chrétienne, c'était une guerre catholique-musulman. Il faut être précis dans les mots. C'était une guerre contre le catholicisme. Donc, la plupart des historiens disent islamique-chrétien, mais ce n'était pas une guerre islamique-chrétienne, c'était une guerre catholique-chrétienne. Ce détail est très très important, il faut le comprendre. Et Jérusalem échappa aux mains du pape. Byzance tomba, l'Espagne et le Portugal furent aussi attaqués par les forces islamiques. Au Portugal, les musulmans donnèrent à un village montagneux le nom de Fatima en l'honneur de la fille de Mahomet, sans imaginer qu'il deviendrait connu dans le monde entier. Bien des années plus tard, alors que les armées musulmanes étaient stationnées sur les îles de Sardaigne et de Corse pour envahir l'Italie, surgit un problème sérieux. Les généraux islamiques comprirent qu'ils n'étaient pas assez forts, que des provisions allaient leur manquer, qu'ils avaient occupé trop de pays et que le temps était venu pour entreprendre des négociations pour la paix. L'un des négociateurs du côté catholique était François d'Assise. On passa par des arrangements formels pour aboutir finalement à la signature d'un concordat. À l'issue de l'accord, les musulmans obtinrent la permission d'occuper Byzance, qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, dans le monde chrétien. Et les catholiques obtinrent la permission d'occuper le Liban dans le monde arabe. Il était entendu également que les musulmans pourraient construire des mosquées dans les pays catholiques, et cela sans problème, mais au rythme de l'avancement des catholiques dans les pays arabes. Le cardinal Béat nous a dit que les musulmans et les catholiques se sont concertés pour bloquer et neutraliser les efforts de leurs communs ennemis, ceux qui fondaient leur religion sur la Bible. À la voix de ces concordats, les démons procédaient à la destruction spirituelle des descendants d'Ismaël en élevant un mur massif d'opposition à la Bible afin de la tenir le plus loin possible des Arabes. Après la signature du concordat, les musulmans suivirent les ayatollahs, leur haute autorité, et d'autres guides religieux. L'Église romaine, de son côté, organisa une campagne pour susciter la haine contre les musulmans arabes et les juifs. Avant, ils cohabitaient en paix. Toute l'assemblée musulmane jetait des regards soupçonneux sur la Bible, croyant que ceux qui la respectaient étaient des démons dont le but consistait à empoisonner et à détruire les enfants d'Allah. Le plan des jésuites fut d'établir le contrôle complet sur l'islam. En 1910, le Portugal devint un État socialiste. Il y avait partout des drapeaux rouges. L'Église catholique dans ce pays faisait face à un grand problème. Les dirigeants du mouvement socialiste désiraient détruire la puissance de l'Église. L'apparition de la Vierge Marie n'était plus qu'une question du moment favorable. Il fallait tirer le plus grand profit possible de ce phénomène et pas seulement reprendre le Portugal sous le contrôle du Vatican. Les jésuites voulaient y mêler aussi la Russie et l'endroit où cette vision se produirait. Le village de Fatima devrait avoir un rôle crucial dans l'effort d'attirer les musulmans dans l'église mère. En 1917, la Vierge Marie apparut à Fatima. L'apparition de la Mère de Dieu fut un succès complet. On jouait la carte de la tromperie sur des foules. Et quel en fut le résultat? Un grand échec pour les socialistes du Portugal. Les jésuites imaginèrent une prière spéciale pour Fatima qui devait durer 9 jours. Cette prière en Afrique du Nord demandait l'établissement de bonnes relations avec le monde islamique. Les Arabes ont cru naïvement que ces prières étaient en l'honneur de Fatima, la fille de Mahomet. Je tiens ici à ouvrir une parenthèse. Parenthèse que chaque fois que les jésuites voulaient que Marie apparaisse quelque part, elle finissait par apparaître. Les jésuites ici sont des experts en magie noire et en magie blanche, car tenant ces secrets des écrits de Ignace de Loyola, le fondateur de la société des jésuites. Ils peuvent donc faire apparaître des fantômes, je vais appeler ça comme ça, peu importe le nom qu'on donne à ces esprits, ce sont des fantômes, des démons. Ils peuvent donc faire apparaître ces fantômes qui ressemblent à une vierge dans n'importe quelle région du monde, quand, où ils veulent. Et c'est la raison pour laquelle chaque fois qu'ils ont désiré une apparition de la Vierge Marie, soi-disant, cette apparition apparaissait également. Les catholiques dans le monde entier se mirent à prier pour la conversion de la Russie. Le pape Pie XII ordonna à l'armée nazie de détruire la Russie et la religion orthodoxe, car la Russie devrait devenir un pays catholique. La vision de Fatima ne fut pas oubliée. Quelques années plus tard, la Deuxième Guerre mondiale étant perdue, le pape Pie XII fit peur au monde avec sa fausse vision du soleil pour attirer l'attention des journaux sur Fatima. Ce fut un grand show business religieux, accepté facilement par le monde entier. Rien de surprenant, le pape Pie XII était le seul à avoir eu cette vision, bizarrement. Malgré tout, un groupe d'adeptes de l'Église romaine se transforma en armée bleue dans le monde entier, rassemblant des millions de fidèles catholiques prêts à mourir pour leur bienheureuse Vierge Marie. Mais ce ne fut pas tout. Selon le plan des jésuites, Marie devait apparaître 4 ou 5 fois en Chine, quelquefois en Russie, ainsi que plusieurs fois aux États-Unis d'Amérique, et les gens croiraient. Vous rendez-vous compte, c'est ce que je viens de dire? Ils avaient même l'agenda des apparitions de Marie. Comment vous expliquez ça? C'est parce que déjà, les jésuites ont cette capacité de faire des incantations de magie noire, de magie blanche, qui peuvent résulter par l'apparition d'un spectre, ou fantôme, ou djinn, ou appelez ça comme vous voulez. Et ils peuvent donc faire apparaître ce spectre qu'ils appellent Vierge Marie, n'importe où, quand ils le veulent, vu qu'ils ont l'agenda déjà. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec l'islam? Voyant ce que le défunt évêque Chin a à dire sur la Vierge Marie et l'islam, les apparitions de Notre-Dame à Fatima ont représenté un tournant dans l'histoire de plusieurs centaines de millions de musulmans qui sont très difficiles à convertir au christianisme, c'est-à-dire au catholicisme. Pendant des siècles, les musulmans ont occupé le Portugal en y laissant leurs traces. Après la mort de sa fille Fatima, Mahomet disait qu'elle était la plus sainte des femmes au paradis, juste après Marie. Wow. L'évêque Chin estimait que la Vierge Marie avait choisi d'être connue en tant que Notre-Dame de Fatima, comme un signe pour que les musulmans qui acceptent l'Immaculée Conception croient aussi à la divinité de Jésus. Il souligna que les statues de la Vierge Marie apportées par les pèlerins étaient reçues avec enthousiasme de la part des musulmans en Afrique, en Inde et dans d'autres lieux, et que c'est pour cette raison que maintenant beaucoup de musulmans venaient à l'Église catholique. En tant que directeur de la Société catholique pour la propagation de la foi, l'évêque Chin parlait avec autorité. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'Espagne connut une grande agitation politique. Sa monarchie catholique trébuchait et la reine fut privée de la couronne en 1868. L'Espagne devint une république pendant 2 ans. La monarchie fut rétablie et dura jusqu'en 1923. Comme la situation politique empirait, l'Espagne redevint chaotique. Le Vatican exerça de fortes pressions contre l'Espagne quand elle choisit à nouveau de devenir une république. L'Église catholique commença aussitôt le sabotage. De 1931 à 1936, 5 présidents se succédèrent. Les catholiques espagnols témoignaient de l'irrévérence envers le Vatican. Jamais ils n'auraient pu imaginer ce que celui-ci leur préparait. En imposant des taxes sur les propriétés ecclésiastiques et en interdisant aux prêtres et aux religieuses d'enseigner dans les écoles d'État. Les catholiques espagnols contrecarraient les projets de l'Église romaine. C'est pourquoi cette dernière fit un plan pour leur destruction sous prétexte d'une prétendue lutte contre le communisme. Bien que de nombreux présidents de la République espagnole aient été instruits par des jésuites, eux aussi s'opposaient aux dirigeants de l'Église romaine. Les dirigeants au sommet de l'Église catholique romaine contactèrent les dirigeants islamiques. Ces derniers avaient une dette envers le Vatican à cause de la tromperie concernant Jérusalem. En signant le concordat, ils promirent d'aider le pape si le besoin se présentait et même de l'aider militairement s'il le désirait. Maintenant, le moment était venu de le faire. Les jésuites firent un bon marché. Pauvres Espagnols, comme ils allaient souffrir. Par voie des négociations secrètes, on souleva une armée commandée par le général Franco. Le Vatican finança cette machinerie militaire afin de donner une bonne leçon aux Espagnols. En 1936, surgit en quelque sorte une nouvelle inquisition espagnole. On l'appelait la guerre civile espagnole, secrètement orchestrée par le Vatican. Pour cacher la vérité au monde, on présenta la situation comme si le Vatican faisait une guerre sainte contre les communistes. En réalité, en Espagne, il n'y avait qu'une poignée de communistes. L'Inquisition catholique romaine commandita un festin sanglant pour ses propres adeptes. Sous le drapeau du Vatican, les forces musulmanes conquirent les îles Canaries et attaquèrent le sud de l'Espagne. Les Espagnols, sous le choc, regardez le cardinal Pedro Segura mener l'armée islamique dans un carnage sans merci contre les catholiques, désobéissants, hommes, femmes et enfants. Voici le monsieur là, le sanguinaire là, Pedro Segura. C'est ainsi que finalement les troupes islamiques se vengèrent sur les chrétiens avec la bénédiction du pape. Quand j'avais 3 ans, les troupes musulmanes avaient pris notre maison. Nous étions heureux d'être restés vivants après cette terreur. L'Inquisition ayant atteint ses buts, l'Espagne était en ruine, sanglante et écrasée, mais sûrement rendue aux mains du Vatican. On s'exclamait alors en Espagne, nous avons libéré l'Espagne du communisme. Merci à la bienheureuse Vierge. Environ 5 millions de soldats musulmans occupèrent l'Espagne comme protecteur de la foi catholique romaine. L'islam avait payé sa dette à l'antéchrist qui siégeait au Vatican. Lors des négociations secrètes, les Arabes avaient dit au pape qu'ils lutteraient pour le Vatican en Espagne, à condition que le pape ne reconnaissent jamais l'État d'Israël qui pourrait être créé. Le pape tomba d'accord. Le cardinal Beya a dit qu'à cette époque, les juifs orthodoxes et les sionistes optaient pour un État indépendant d'Israël. Attentat contre le pape. On voit ici l'attentat, le soi-disant attentat contre le pape Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre au Vatican, qui eut lieu le 13 mai 1981. Quelqu'un peut se demander, n'est-ce pas un musulman qui a tiré sur le pape dans une tentative d'attentat contre celui-ci? Oui, les jésuites l'ont très bien planifié. Les masses furent touchées par cet incident. Le président américain Reagan et le pape avaient maintenant quelque chose en commun. Les deux avaient été victimes d'une tentative d'attentat. Bientôt, ils devinrent très amis. Rappelons-nous que Reagan fut le premier dans l'histoire à prêter serment tourné vers l'obélisque. Le pape acquit une grande popularité et s'attira les sympathies de tous les dirigeants du mondiaux. En raison de cet incident, l'islam est devenu plus proche du Vatican. Les musulmans furent très humiliés car on pensait que l'un des leurs avait tiré sur celui qui représentait le prophète Jésus sur la terre. De ce fait, les ayatollahs présentèrent leurs excuses au pape. Et en fin de compte, on accusa le KGB, faisant croire au monde que les communistes étaient les ennemis du pape. Il s'agissait au fond d'une grande comédie. Le pape Jean-Paul II fut un bon communiste pendant des années. Si cela vous paraît incroyable, souvenez-vous des détails de l'attentat. Son auteur, Mehmet Ali Agca, était un des criminels européens les plus connus et un tireur expérimenté. Il a tiré à une distance de 3 mètres. Le pape a été blessé à l'abdomen, au bras gauche et à la main droite. Évidemment, il n'avait pas l'intention de tuer le pape. Il suivait tout simplement les instructions des jésuites. Quand le monde a vu le pape pardonner à Mehmet Ali Agca, qui avait tiré sur lui, presque 1 milliard de musulmans ne purent qu'admirer sa sainteté. Mehmet Ali a exprimé par la suite son désir d'être baptisé dans l'Église catholique romaine. Tout a été bien planifié. Le pape et les musulmans ont remercié la Vierge Marie de n'avoir pas permis que le pape succombe à ses blessures. Aujourd'hui, le pape témoigne toujours d'un désir ardent d'avoir le contrôle sur Jérusalem. Son objectif n'a pas changé. Et ce sont les musulmans qui vont contribuer à sa réalisation. Cependant, Dieu a un autre plan. On voit ici une photo du pape qui tient dans sa main le livre de l'islam, le Coran, et l'embrasse. On voit ici une photo de la Kaaba tout en bas et le dôme du rocher que les musulmans avaient construit sur les ruines de Jérusalem alors que le pape attendait que ce lieu lui soit restitué, au moins lui soit donné. Alors, en appendice, on va voir qui gouverne l'Amérique. L'Église catholique romaine est la plus puissante organisation dans le monde entier, en ce qui concerne les finances, la religion et la politique. Je répète, l'Église catholique romaine est la plus puissante organisation dans le monde, en ce qui concerne les finances, la religion et la politique. Le Vatican est un véritable État avec toutes ses prérogatives, telles que les immunités diplomatiques ou similaires. L'Église romaine a aussi sa banque, la seule banque dans le monde qui n'est pas passible de révision. Ce qui veut dire que c'est un lieu idéal pour le blanchiment d'argent, n'ayant aucun contrôle. Ce n'est pas par hasard qu'il y a autant de mafieux en Italie. Pourquoi c'est dans le pays où il y a le Vatican qu'il y a autant de mafieux? Allez-y, vous posez la question. La Banque du Vatican, qui s'appelle Institut pour les œuvres religieuses, IQR, investit de grosses sommes d'argent dans le monde entier, dans l'immobilier, dans les banques et dans d'autres compagnies connues. Outre les affaires directes, il y a une entrée d'argent donnée par les croyants. On estime que l'Église romaine a approximativement 1 milliard de fidèles. Le Vatican contrôle les principaux courants dans le monde à l'aide de ses organisations, dont les membres sont des hommes puissants exerçant des fonctions importantes dans le domaine de la politique, des finances, ainsi de suite. Par exemple, les plus importantes organisations du Vatican, dont les membres ont prêté serment de loyauté envers l'Église et le pape, sont les Jésuites, la Société secrète des Chevaliers de Malte, l'Opus Dei, les Chevaliers de Colomb et d'autres. C'est l'armée du pape, les cavaliers, de la même manière qu'autrefois dans l'histoire, mais d'une façon beaucoup plus subtile et perfide qu'aujourd'hui. Les Jésuites sont le principal levier catholique qui contrôle toutes les autres organisations. Il y a une hiérarchie non formelle dans ce système où le général jésuite représente l'autorité principale. D'où son titre de général. Ses subalternes l'appellent le père général. C'est ce qu'on peut voir aussi sur leur site officiel. Donc ici, on voit une photo, une ancienne photo du pape Benoît XVI avec le général jésuite Adolfo Nicolas. Le général jésuite actuel, élu en 2008, c'est un Espagnol, Adolfo Nicolas, né en 1936, au temps de la montée du fascisme, dans une famille qui était grande sympathisante d'Adolf Hitler, dont il porte le nom. D'où le nom Adolfo. Adolfo vient de Adolphe. Voilà. Selon la hiérarchie romaine, le général jésuite est proposé chez les chevaliers de Malte, chez ceux de Colomb et dans l'Opus Dei. Les jésuites agissent en secret, tandis que les membres des organisations telles que les chevaliers de Malte, l'Opus Dei, les chevaliers de Colomb, sont pour la plupart des sociétés connues. Par exemple, le frère de l'ancien président de l'Amérique, George Bush, Jeff Bush, par ailleurs gouverneur de la Floride, est un chevalier de Colomb. Il ne manque pas de baiser la main du pape et de lui faire preuve de sa loyauté. Les chevaliers de Malte sont les plus nombreux, devenus aujourd'hui une société secrète, probablement la plus grande dans le monde entier. Parmi les membres figure le maire de New York, Michael Bloomberg, l'homme le plus puissant parmi les milliardaires, d'après une enquête du magazine Forbes. Ensuite, Frank Carlucci, autrefois un grand fonctionnaire de la CIA, maintenant le premier homme du groupe américain Carlyle, un des plus grands commerçants d'armes dans le monde. En fait, le groupe Carlyle figure parmi les plus grandes compagnies du monde. Ainsi donc, les chevaliers de Malte contrôlent la majeure partie de l'industrie militaire. Parmi les membres des cavaliers de Malte, des chevaliers de Malte, on trouve aussi Michael Chertoff, le directeur de Homeland Security, du service américain pour les affaires douanières et celles de l'immigration. L'Église romaine introduit consciemment ces hommes dans ses services par lesquels on réalise la politique de changement de la structure démographique de l'Amérique. Par exemple, les Espagnols, les immigrés de l'Amérique du Sud qui parlent espagnol, surtout les Mexicains, sont à présent une puissante machine à voter en Amérique. Aujourd'hui, ils sont plus nombreux que les Noirs et ils sont presque tous des catholiques. Ainsi, chaque année, les catholiques deviennent de plus en plus nombreux en Amérique. Ça, c'est un détail qui échappe à beaucoup. Effectivement, on oublie que le Canada et le Mexique sont trop, mais vraiment catholiques. Alors, les catholiques suivent souvent, je m'excuse de l'expression, mais bêtement leurs dirigeants, parce que ce n'est pas une religion assise sur une lecture personnelle de la parole de Dieu, parce que tous ceux qui l'ont fait, qui ont lu la Bible, d'eux-mêmes ont fini par quitter cette institution. Donc, les dirigeants ont une très très grande influence sur les adeptes qui suivent souvent leur élite, qui elle-même tient les ordres d'en haut, des jésuites, qui, eux, la tiennent du Vatican. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, ils représentent une très, très grande force pour le pape. Le roi espagnol Juan Carlos est également un membre éminent des chevaliers de Malte, sous le contrôle duquel se trouve, entre autres, l'espagnol Javier Solana, un haut fonctionnaire de l'Union européenne qui était le chef de NATO à l'époque où on a bombardé la République socialiste de Yougoslavie. En Amérique, vous pouvez voir les photos ici. Donc, tous ces gars se connaissent. En Amérique, à la tête des chevaliers de Malte se trouve le cardinal de New York, Edward Egan, celui qui est ici. Lors de la destruction des tours jumelles du 11 septembre 2001, Egan était le chef des chevaliers de Malte en Amérique. Le directeur de la CIA, George Tenet, donc un des subordonnés d'Egan, était aussi membre de la même organisation. On croit que la CIA d'alors était informée de tout et on n'ignore pas qu'il y a bien des soupçons que l'Église catholique fut mêlée à l'événement cité plus haut. Ah. Le plus grand banquier du XXe siècle, David Rockefeller, est aussi membre des Chevaliers de Malte. Les membres de la Cour suprême d'Amérique, Samuel Alito et Antonin Scalia, tous les deux catholiques, sont aussi Chevaliers de Malte. John de Gioia, entre autres, président de l'université Georgetown à Washington, qui instruit des cadres pour l'administration américaine et le Pentagone, est aussi membre de l'Ordre de Malte. Georgetown est un collège jésuite. L'ex-président Bill Clinton y a fait ses études. La plupart des collèges en Amérique, parmi lesquels la célèbre université Fordham à New York, sont contrôlés par les jésuites. Le magnat médiatique américain Rupert Murdoch est aussi chevalier de Malte. Beaucoup de membres des chevaliers de Malte ne cachent pas leur participation à cette organisation et la liste de ses membres peut facilement se trouver sur Internet et même dans des livres écrits par différents auteurs. Il est bien connu que les membres des organisations, à l'instar des jésuites et leurs sections, telles que les chevaliers de Malte, sont infiltrés dans la franc-maçonnerie et des organisations secrètes semblables. Léo Gazimi, un ancien membre des Illuminati, organisation qui constitue l'élite de la franc-maçonnerie, dit que les jésuites contrôlent le sommet même de la franc-maçonnerie mondiale. Par exemple, la famille des Rothschild est numéro 1 dans la franc-maçonnerie britannique. Il suffit à l'Église romaine de contrôler un ou plusieurs membres de cette famille pour assurer son contrôle sur toute la franc-maçonnerie britannique sans que de simples membres s'en rendent compte. Les Rothschild, en tant que valets fidèles de l'Église romaine, s'emploient assidûment en faveur d'un gouvernement mondial. J'espère que ce chapitre vous a beaucoup aidé. On verra.